100 000 disques vendus, Fnac, Virgin, classé directement numéro 1 top album, info magazine. D'abord Skyrock, puis relayé par toutes les radios. Clip des clips M6 pour ma vidéo. Dealer à la petite semaine, révélation de l'année. Passé 2-3 sachets blancs à des milliers de CD. Tout a commencé quand le petit groupe de ma cité a commencé à faire du blé, je suppose. Parce qu'il passait à la télé, qu'on les voyait plus trop au quartier. Moi à l'époque, c'était au trou que j'étais. Des marmots, eux, quand moi l'argent je flambais. Connu dans mon domaine, je voulais plus être célébrité. Ces gamins chantaient ma vie, mais c'est eux qu'on payait. Échange de bons procédés quand je sors pour rembourser. Mais y'a pas que l'argent, je veux être star aussi. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Vivant mais mort quand même, approche la lumière, s'avère blême. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. De retour, j'ai purgé ma peine, plus rien ne sera jamais plus pareil. J'ai commencé par manager, je me suis mis à produire ma méthode. Reste tranquille si tu tiens ta famille. J'ai pris des royautés, 2-3 albums, mis mon nom. Participe à quelques bracos pour la réputation. Je suis allé au bain douche et je les ai tous vus. Tous sont paniques à ma vue. Ils savaient que ma vie était hardcore, que c'était pas un rap. Le soir ma signature mêlée à une fusillade. On m'a même touché mais ça m'a pas arrêté. Pour l'image, restez moi, y'avait pas à forcer. Dans le milieu d'abord, j'ai fait ma loi. Changer les règles du showbiz étroit. Et je fais croquer, je bouge pas sans la cité. C'est soit en studio, en promo ou en tournée. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Vivant mais mort quand même, approche la lumière, s'avère blême. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Album sorti finalement comme prévu. Moi, l'artiste rap le plus en vue. Partout numéro 1, les tubes s'enchaînent. La presse déchaîne, j'ai même eu droit à la première chaîne. Comédie humaine avec du recul dérisoire. Artificiel, c'est tellement faux être une star. Vous vous souvenez de l'histoire de la fusillade? Il pleuvait lorsqu'on m'amena à l'hôpital. Est-ce si important d'avoir raison ou d'avoir tort? Parce que c'est ce soir-là que je suis mort. C'est ce soir-là que je suis mort. On vient de l'apprendre, suite à la fusillade mortelle et seulement quelques jours avant la sortie de son album, la nouvelle révélation du rap français nous a quittés ce matin. C'est bien évidemment une grande perte pour le milieu du rap et ça relance une fois de plus la polémique rap égale violence. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Vivant mais mort quand même, approche la lumière, s'avère blême. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem. Vivant mais mort quand même, approche la lumière, s'avère blême. Star post-mortem, quand le sort jette l'anathème. Le non-sens, la vie qu'on rêve, star post-mortem.